Vous voyez le Grand Prix, vous, jeudi, le cocktail de réception, vendredi, les événements. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est votre feeling? Je sais pas, mais j'espère qu'on va déranger un petit peu cet événement-là. Pourquoi vous souhaitez ça? Comment vous voulez déranger l'événement? Moi, je ne veux pas tant que ça déranger l'événement. Seulement, je trouve que c'est un événement qui n'a aucune raison d'être. C'est un événement qui est financé par ailleurs par nos fonds publics, hein, qu'on ne l'oublie pas. C'est un événement qui est absolument vulgaire, absolument qui colporte des valeurs anti-écologistes, machistes, patriarcales. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument méprisable qui ne devrait pas exister. Merci pour votre opinion. Vous n'avez pas idée à quel point ça dérange la population montréalaise, cet événement-là. Vous me censurez, je le sais que vous me censurez. Merci, madame. Alors, venez d'entendre une manifestante. Hey! Va chier. Mais j'ai jamais compris, moi, cette manie-là de vouloir aller écœurer du monde qui ont du plaisir pour imposer tes idées. C'est ça. T'as-tu besoin de ça? Qu'est-ce qui te motive dans ta frustration? Est-ce que c'est un manque de sexe? Ben, il y a quelque chose dans la vie de la fille qu'on a entendu qui explique ça. Sa vie doit être un peu pathétique. Ben, ça en prend beaucoup aux hommes. C'est une société même, patriarcale, puis c'est machiste. Y a-tu quelque chose qui crée plus de refoulement et d'agressivité que le manque de sexe? C'est beau.